Un intéressé de haut rang du gouvernement sud-coréen a déclaré le 30 août que les autorités militaires examinent l'introduction d'avions patrouilleurs anti-sous-marins de dernier cri pour l'opération d'attaque contre le Nord. Les bellicistes sud-coréens font bruit que le Nord exploite non seulement les missiles balistiques de sous-marins, mais aussi diverses tactiques d'attaque basées sur les sous-marins, et que l'achat de 4 avions patrouilleurs anti-sous-marins de dernier cri P-8 Poseidon des États-Unis leur permettra d'augmenter l'efficacité de l'opération pour le discernement et l'attaque contre les sous-marins du Nord.